Nico Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 18 mai 2019. En voici les grandes articulations. Ce 18 mai, c'est la journée internationale des musées, célébrée ce samedi sous le thème « Les musées n'ont pas de frontières, ils ont un réseau ». 600 élèves de différentes écoles de Guitéga ont pu visiter ce lieu de mémoire. Et le ministère des Transports promet de trouver un site où l'on pourra installer tous les garages éparpillés dans les quartiers résidentiels à Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Ce qui, pour l'Office burundais des recettes OBR, rendrait le métier formel et faciliterait le recouvrement des taxes et impôts. Un atelier de sensibilisation et d'orientation du projet de délocalisation des garages en mairie de Bujumbura a eu lieu ce vendredi. Et tout enfant non enregistré à l'état civil perd certains avantages. Un militant des droits des enfants demande à l'État d'organiser un recensement de ses enfants dans tout le pays afin de procéder à une campagne d'enregistrement. Et à la fin de ce journal, vous pourrez suivre la revue de presse. Voilà pour le sommaire. Ce 18 mai, c'est la journée internationale des musées célébrée ce samedi sous le thème « Les musées n'ont pas de frontières, ils ont un réseau ». À cette occasion, le musée national de Guitéga, en collaboration avec la maison Alliance franco-burundaise de Guitéga, ont organisé une journée porte ouverte à ce musée où plus de 600 élèves ont pu visiter ce lieu de mémoire. Gérard Nibigira. Longenda Ikenguru, qui est directeur de l'Alliance française de Guitéga et historien de formation, explique des avantages de visiter les musées. Je sais que dans certains cours qui sont dispensés dans les classes, il y a des leçons relatives à la culture matérielle burundaise et à l'histoire du Burundi. Et comme les professeurs, pour la plupart, n'ont pas de support pédagogique et de matériel didactique pour pouvoir montrer matériellement ce qui est en train d'être dit, nous nous disons que c'est une occasion à ne pas rater pour qu'ils puissent marier la théorie à la pratique ou même à une démonstration, pas une démonstration, une démonstration des outils et des outils qui ont été utilisés par les Burundais dans les temps passés qui sont exposés au musée de Guitéga. Pascal Ndaisenga, conservateur du musée national de Guitéga, quant à lui, donne des raisons qui l'ont poussé à collaborer avec l'Alliance française de Guitéga. Nous avons préféré travailler avec l'Alliance franco-burundaise parce que l'Alliance franco-burundaise est un partenaire influent du musée national et de pas mal d'établissements scolaires. Nous avons préféré l'Alliance franco-burundaise de Guitéga pour avoir un maximum de jeunes et scolaires et étudiantines. Un des élèves qui ont visité le musée national de Guitéga présente ses appréciations. Nous avons apprécié beaucoup parce que la visite que nous venons d'effectuer ici dans ce musée national de Guitéga, c'est une visite vraiment très beau parce que ça nous montre beaucoup de choses qu'on n'était pas encore vu dans notre vie. Je lance un appel à les différents directeurs parce que ce sont eux-mêmes qui ont beaucoup de jeunes de les amener ici fréquenter cette maison pour améliorer leurs connaissances concernant les choses passées. Sachez qu'environ 600 élèves de différentes écoles de Guitéga ont visité le musée national de Guitéga. Depuis Guitéga, Jeanne Bigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et certains garagistes exerçant leur métier dans les quartiers résidentiels demandent que l'État aménage un espace transitoire où ils pourraient travailler avant leur déménagement définitif. Ils ont formulé ces demandes de ce vendredi lors d'un atelier de sensibilisation et d'orientation du projet de délocalisation des garages dans la mairie de Bujumbura. Le directeur général au ministère des Travaux publics a expliqué que son ministère envisage chercher d'autres sites où seront installés ces garages afin que même l'Office burundais des recettes OBR puisse les enregistrer sur la liste des contribuables. Les précisions de Moïse Misago. Celui-ci est l'un des garagistes de la capitale qui a participé à cet atelier. Pour lui, l'État devrait aménager un endroit où seraient installés tous les garages. Gérard Ngendakoumana indique que cela pourrait faciliter la tâche à l'Office burundais de recettes OBR dans le recouvrement des taxes car, dit-il, ils seront rassemblés dans un seul site. Comme vous exposez l'homme nous avez montré des grands bâtiments où on peut travailler. Nous trouvons qu'un simple mécanicien ne peut pas avoir ces bâtiments. Si l'État ne pense pas à construire ces infrastructures, même quelqu'un qui a 2 milliards ne peut pas en avoir seul. Nous estimons que le gouvernement avait oublié notre question. Comme l'État construit les marchés pour mieux faire son projet, l'État ou ses représentants peut chercher un grand espace, puis y ériger des bâtiments et par après inviter les garagistes de s'inscrire. Cela peut faciliter à l'OBR dans le recouvrement des taxes et impôts. Vous pouvez nous aider. Un représentant de l'Office burundais de recettes OBR a expliqué que si ces garages sont rassemblés dans un endroit reconnu, cela permettra la formalisation de ce métier. Jean Berkimas Ndaichimier, chef du service vérification des moyens contribuables à l'OBR, ajoute que cela leur facilitera la collecte des impôts et taxes. Ce travail de délocalisation, s'il est bien réalisé, comme ont montré les consultants, ça pourra nous aider à trouver ces garagistes à un seul endroit. Ils auront une adresse claire et cela permettra la formalisation de ce métier et aussi pourrait contribuer. La collecte des impôts et taxes pour eux nous sera facile. Avant de les déménager vers cet endroit non encore connu, ils peuvent contribuer comme d'autres Burundais. Nous pouvons les aider ce qui est possible. Le directeur général au ministère des Travaux publics, Consolateur Nitunga, a expliqué que son ministère est à la recherche d'un endroit où il pourra transférer ses garages qui menacent la vie de la population. On était en train d'échanger sur le projet de délocalisation des garages dans les quartiers résidentiels ici à mairie de Bujumbura. On s'était convenu, compte tenu des exposés, tout le monde a vu les effets néfastes à la vie humaine et puis on s'est convenu que ce soit les garagistes doivent adhérer à la politique de délocalisation des garages et au gouvernement. J'ai convenu que le gouvernement doit mettre à la disposition des garagistes un endroit approprié pour y exercer le métier, et de faire en sorte que les garagistes délocalisés soient les premiers bénéficiaires. J'ai convenu que l'administration doit continuer la sensibilisation de ces garagistes. Cette autorité du ministère des Travaux publics a souligné que ce travail qui commence ici à Bujumbura sera étendu dans d'autres provinces. Merci Moïse Misago. Et le pont Moura se trouvant sur la route Bujumbura-Rumonge, juste en mairie de Bujumbura, a été réhabilité par un nommé Samuel Vyagizimana. Ce commerçant contribue aussi à la propreté de certains espaces de la capitale Bujumbura. Il déclare avoir pris cette initiative pour sensibiliser d'autres Burundais à contribuer au développement du pays. Les détails avec Mireille Naomi Nitegeka. Ils ne sont pas des employés de la mairie, plutôt d'un commerçant, Samuel Vyagizimana, qui a initié un projet Iwachuheza, là où ses employés font la propreté dans différents endroits en mairie de Bujumbura, entre autres dans les parkings et les places publiques. Un de ses employés rencontré au centre culturel d'Imarkaz au quartier asiatique nous parle ce qu'ils font au quotidien. Donc, en général, on fait balayer les riz qui fait la capitale de Bujumbura. On travaille partout où on voit la saleté, surtout dans la mairie de Bujumbura. Et parfois même, on travaille même au côté bout, donc dans les riz qu'on voit les saletés. Selon Juvenal Baransata, qui habite près du pont Moa, qui vient d'être réhabilité par Samuel Vyagizimana, le geste de celui-ci a été bénéfique, car le trottoir qui avait été disparu à cause du ravin qui menaçait ce pont a été réparé. Avant, les gens partageaient la chaussée avec les voitures et c'était trop dur. Il a commencé par une petite maçonnerie. C'était un trou qui était creusé par les eaux. Même les passagers ne pouvaient pas passer. Il y a une amélioration parce que pour le moment, les piétons peuvent passer. Donc, il a rétabli temporairement le passage des piétons, le trottoir. Maintenant, les piétons ne passent plus sur la chaussée. De son côté, le commerçant Samuel Vyagizimana indique que ses activités ont pour but de contribuer au développement du pays. J'ai l'esprit d'aider les autres. J'ai cherché le travail moi-même. Je fais tout cela pour contribuer contribué à enlever les saletés qui s'observent au centre-ville de Bujumbura. Parmi les travaux que nous effectuons, c'est entre autres boucher les nids de poules et enlever les déchets dans les canivons. Comme vous venez de le mentionner, après notre visite au Pomuha, nous avons constaté qu'il y a une partie de Sopo se trouvant en mauvais état. J'ai utilisé mes propres moyens pour réhabiliter Sopo dans le but de montrer l'exemple aux autres que nous sommes capables d'exécuter nous-mêmes quelques petits projets. Même les autres pourraient faire cela pour manifester l'esprit du patriotisme. Samuel Byagizimana appelle les autres Burundais à suivre son modèle. Et aucune activité n'est réservée aux femmes, mais cela reste la conviction d'Elias Niyibigira, résident en commune Rugombo de la province Cibitoke. Celui-ci est restaurateur. Il a opté de cuire lui-même les aliments et servir les clients dans son restaurant situé au chef-lieu de cette province. Elias Niyibigira témoigne que ce métier le fait vivre avec toute sa famille. Il conseille aux autres de changer de mentalité pour ne plus sous-estimer le métier, quelle que soit sa nature. Vestine Butoyi, reportage. Abakozi kubera bagenda bagorana baciye batakazi hama ubu ngubu munsanze hano mabisanzwe ndagakora je nyene. Cette voix est celle d'Elias Niyibigira. Il est marié à une seule femme avec des enfants. Il est originaire de la colline Nyagaseke, de la zone et commune Mabai en province Cibitoke. Actuellement, il habite au chef-lieu de la dite province. Il explique que certaines des raisons qui l'ont poussé à s'y installer et de gagner sa vie en cuisant et en servant les clients dans son restaurant. J'ai quitté ma commune natale de Mabai pour enfin m'installer ici, au chef-lieu de la province Cibitoke, dans le but de réaliser mes projets en mettant en place un restaurant qui va aider les passagers qui ont besoin de quelque chose à mettre sous la dent. Il y poursuit que sa principale motivation et qu'aujourd'hui la vie est-elle un combat, étant donné qu'il a sa famille à défendre. J'y ai pensé car vous voyez aujourd'hui que la vie est trop chère. De plus, quand on a une famille à prendre en charge, il devient difficile de la faire vivre si on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Elias Niyibigira affirme que la curiosité est la mère des sciences. Il explique qu'il a appris son métier par le biais de son ami. Un jour, je me suis rendu dans un restaurant et j'y ai rencontré mon ami. Celui-ci m'a beaucoup aidé car il m'a montré comment cuire les aliments, comment les assaisonner et tout consort. Un métier est un bon gagne-pain, comporte aisément, dit-il. Elias témoigne que jusqu'à maintenant, sa famille se porte à merveille grâce à son travail. La première chose est que je suis capable de scolariser mes enfants. Deuxièmement, ma femme ne manque de rien, je lui achète un pagne, moi aussi, vous voyez que je m'habille élégamment. Vraiment, nous n'avons aucun problème. Cependant, même s'il y a toujours des gens qui méprisent son métier, arguant qu'il serait destiné à une telle catégorie, Elias, lui, est conscient que métier qui nourrit son maître n'est point vilain à paraître. Et pour ce, il conclut qu'il n'y a pas de métier réservé à un tel genre ou tel autre. Le conseiller principal du gouverneur de la province de Cibitoke soutient son avis et interpelle toute la population à ne pas catégoriser ou sous-estimer le métier, car d'après lui, que ce soit le mari ou son épouse, tous doivent collaborer pour assurer leur développement familial. Et tout enfant non enregistré à l'état civil perd certains avantages comme les soins de santé gratuits, l'enseignement et d'autres, selon le représentant de l'OIDEB, une organisation qui milite en faveur des droits de l'enfant dans les provinces de Bubanza et Bujumbura. Vianney Ndayisaba demande à l'État d'organiser un recensement dans tout le pays afin de repérer toutes les personnes non enregistrées sur tous les enfants et ensuite procéder à une campagne d'enregistrement. Spes Caritas Kavanyana. Beaucoup d'enfants, même si le nombre exact n'est pas encore connu, ne sont pas enregistrés à l'état civil selon le représentant de l'antenne de l'OIDEB, Observatoire INESA des droits des enfants dans les provinces de Bubanza et Bujumbura. Vianney Ndayisaba l'a dit au cours des réunions de sensibilisation tenues au cours de cette semaine sur les textes légaux, une réunion qui était destinée à tous les acteurs clés dans le domaine des droits des enfants, comme les officiers de police judiciaire, les autorités administratives, les présidents des tribunaux et les représentants des centres de développement familial et communautaire des communes Gihanga et Mutimbuzi. Un enfant non enregistré perd certains avantages comme les soins de santé gratuits, l'enseignement et autres, comme cela a été dit au cours de ces réunions. Le représentant de l'OIDEB dans les deux provinces Bubanza et Bujumbura demande à l'État de procéder à un recensement afin de repérer toutes les personnes non inscrites à l'état civil, surtout les enfants, et ensuite passer à leur enregistrement. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kavanyana. Et en actualité africaine, alors qu'ils manifestent depuis 3 mois, les Algériens demandent plus de changements politiques. Le chef d'état-major, lui, continue de privilégier la solution constitutionnelle. Et le slogan « Qu'ils partent tous » est repris par les manifestants pour résumer les revendications. Ni les arrestations d'hommes d'affaires dont Ali Haddad, l'ancien leader du Forum des chefs d'entreprise, la principale organisation patronale du frère de l'ancien président Saïd Bouteflika, ou encore des anciens responsables des services de renseignement, Mohamed Medien et Atman Tartag, ni les auditions dans le cadre d'enquêtes pour des affaires de corruption d'anciens responsables politiques ne semblent avoir eu que peu d'impact sur les revendications des manifestants. Après 12 semaines donc de mobilisation, les changements politiques ne sont pas aussi importants que ceux espérés par les manifestants, puisque Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir, mais Abdelkader Ben Salah, l'un de ses proches, est toujours président par intérim, et Noureddine Bedoui est lui à la tête du gouvernement. En parallèle, Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, est bel et bien devenu l'homme fort du pays. Vendredi 10 mai, la semaine dernière, les slogans visaient directement le chef d'état-major dans le cortège d'Alger. Ainsi se referme ce journal. Gardez l'écoute. On reste toujours ensemble. Eric Ouimana toujours à la manette. Je vous retrouve pour la revue de presse. Revue de la presse. C'est le journal des journaux comme annoncé tout à l'heure. 4 ans après, malheur au vaincu. C'est le titre que choisit le journal Iwachu en page de couverture de sa parution de cette semaine, où l'on remarque comme illustration des militaires à bord d'un véhicule blindé devant une foule de jeunes alliés. C'est en page intérieure que cet hebdomadaire parle du 4e anniversaire du coup d'état manqué de 2015, un anniversaire caractérisé par un ton ferme du pouvoir qui veut marquer le coup avec une décision de justice notamment. Le journal Iwachu rappelle effectivement la déclaration du mercredi 15 mai dans laquelle la Cour suprême et le procureur de la République ont ordonné la saisie des biens meubles, immeubles de 41 personnes accusées d'avoir trempé dans le coup d'État avorté de 2015. Ce sujet fait d'ailleurs l'objet de l'éditorial où notre confrère reconnaît que la tentative de putsch a eu lieu, qu'il y a eu mort d'homme, des maisons brûlées, des véhicules incendiés par ici, des infrastructures publiques et privées détruites par là, ce qui est préjudiciable. C'est aussi le droit des victimes de demander des dédommagements, écrit l'éditorialiste. Mais pour lui, la question est d'évaluer techniquement les pertes subies et la valeur réelle des biens à saisir, sans spéculation. Le journal Iwachu note la série de réactions suscitées par cette annonce, laissant place à des spéculations. Pour les uns, le gouvernement vient de remettre le compteur de la crise à zéro. Pour les autres, une infraction est pénalement individuelle et ne peut en aucun cas être collective et familiale. Rappelant que la restitution des biens meubles et immeubles a toujours été une épine dans le pied des différents gouvernements, son confrère estime que c'est une question qui ne doit ni céder à l'émotion, ni au chantage, ni à la spéculation, mais à la raison. Les problèmes politiques doivent être résolus politiquement, les questions de justice répondues judicieusement, conclut l'éditorialiste. Des accusations de sorcellerie sont sur une allure inquiétante dans certaines localités de la province Bubanza. Cette alerte a été donnée par le gouverneur Nobus Terence Butoyi au cours d'une réunion de sécurité tenue mardi en commune Gihanga. L'agence burundaise de presse rapporte que dans un délai ne dépassant pas une semaine, 3 personnes de la colline Muhanza ont failli être tuées par leurs voisins qui les accusaient de sorcellerie et ces personnes se trouvent actuellement dans les mains de la police, non seulement pour enquête mais aussi pour leur protection policière. Notre confrère signale aussi 2 maisons brûlées sur la même colline et pour les mêmes motifs. Alors qu'en zone Mouyébé de la commune Moussigati, des membres de 12 familles accusent leurs voisins d'avoir ensorcelé leurs 56 enfants qui sont actuellement malades, rapporte toujours l'ABP. Revue de la presse. Le premier vice-président de la République promet une école supérieure d'art, écrit La Voix de l'enseignant, qui signale que l'école fonctionnait grâce aux enseignants formés à l'étranger et qu'aujourd'hui, ils partent en retraite un à un. en visite jeudi 9 mai 2019 à l'école technique secondaire d'art de Gitega et Tessa, où il a effectué ses études. Gaston Sindimo s'est fait dire qu'il ne reste d'ailleurs qu'un seul qui approche la retraite parmi ceux qui ont été formés à l'étranger et 4 autres enseignants à 2 formés à cette même école, et a promis une section dans l'enseignement supérieur burundais en vue de pourvoir à cette école des formateurs. À défaut, rapporte la voix de l'enseignant, l'on pourrait envoyer les lauréats de cette école dans des stages à court terme. Mais cet hebdomadaire de l'éducation estime que c'est une tâche difficile à réaliser. Le journal Burundi Echo écrit, lui, sur la visite du secrétaire général de l'Organisation mondiale de douane au Burundi. C'était cette semaine écoulée et dont l'objectif était de se rendre compte des progrès réalisés par le Burundi ainsi que des défis auxquels l'Office burundais des recettes, OBR, fait face dans le domaine des douanes. C'était également une occasion de voir dans quelle mesure l'OMD peut apporter son appui, sans oublier de solliciter le soutien des autorités politiques du Burundi dans la ratification de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et la convention de Kyoto révisée. Selon le secrétaire général de l'OMD, repris par notre confrère, le Burundi est au cœur de l'Afrique et il est important que ses douanes soient plus efficaces et plus performantes pour faciliter les échanges dans la communauté est-africaine. Pour le secrétaire général de l'OMD, Dr Mikuria, conclut Burundi Echo, la facilitation des affaires n'exclut pas le contrôle douanier efficace en vue de protéger la population contre les produits contrefaits tels que les médicaments et autres qui nuiraient au bien-être et à la sécurité de la population. Et c'est la fin de cette revue de presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. À la prochaine. Vue de la presse.